ciel est si bas sur les dunes que l'on croirait toucher la lune, rien qu'en levant les bras. Comme un incendie sous la terre, les aurores ont brûlé les pierres, blanchi les toits de Gardaïa. Voilé pour ne pas être vu, cerné d'un silence absolu, vierge de pierre au corps de Diane. Les femmes ont pour leur lassitude des jardins clos de solitude, le long sanglot des musulmanes. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent. Tout l'amour qu'elles ont dans le corps, la gloire des hommes, le chant des morts, la joie de porter un enfant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang, toutes les fureurs qu'elles portent. De ruines sous le vent glacé des collines que la nuit leur envoie. Pour elles, le temps s'est arrêté, c'est à jamais l'éternité, le crépuscule de Sanaa. Voilé pour ne pas être vu, j'envie ceux qui les ont connus, vierges de pierre au corps de Diane. Hurlant dans le silence énorme, à l'heure où leurs amants s'endorment, le long sanglot des musulmanes. C'est un